Le 7 août, la délégation gouvernementale de la République de Guinée équatoriale, conduite par Victor Granhé-Meyde, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Vivres, est arrivée à Pyongyang par avion.